il est trop tard, j't'allais trop fort. Mais mec, t'es fort, tu peux pas me voir. T'es tellement bizarre que même si j'te donne un 12, tu manquerais une vache dans un couloir. T'es aveugle comme une taupe, tu vois pas que j'suis dope. Tu parles de mal à moi, pourquoi quand tu me vois, tu me donnes ta main sale. Garde-la pour toi ta main sale, avant que j'la coupe pec de machette bête. Pis au coup de grecs qui ont grandi avec nous, les négros, les afros, les italiens, les québécois. Pourquoi j'suis comme ça, j'suis pas raciste contre ma génération, j'suis raciste contre les racistes de la vieille génération. Pis aujourd'hui en action, j'vois qui me supporte, qui me porte. Peace à tous ceux qui m'ont ouvert des portes et ceux qui les ont fermées. Tôt ou tard, on va placoter. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre. One, one, DJ. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre. One, one, DJ. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre. One, one, DJ. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre. One, one, DJ. Le kiki quoi, tu parles tout le temps, pourtant t'as rien à dire du vent. Fou, pas content, content, viens t'en n'importe où, n'importe quand. Face à face, dos au vent, va te casser les dents. Tu comprends ça, m'en prends pas gros, c'est mon passe-temps. Dehors, en dedans, violent, c'est moi quoi. Pas t'entends parlant, pourtant ton cou parle tout le temps. Moi je te dis toi, pis tes parents quoi. Pourquoi c'est eux qui t'ont mal élevé. Reconnais ma puissance, contrôle de la science, silence ou dessous. 9 mm silencieux, c'est silencieux, sous dessous. Et pas chanceux, ramène nos pieds de vœux, ils sont fous. Fuck les textes, on se blesse, mais qui veut tester l'armée canadienne des tests. Commando sans choix. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre. One, one, DJ. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre. One, one, DJ. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre. One, one, DJ. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre. One, one, DJ. Le beat pleure, mon crayon saigne. Tout bouge dans mes veines, mon cœur se baigne. Je m'ennuie de ma vie, je vis aujourd'hui la vie d'un criminel. Pourquoi c'est ça? Demande-moi pas pourquoi. J'ai perdu ce qui me gardait sain, mon innocence c'est sain. Je comprends maintenant qui sont les mauvais garçons. Qui tue, qui brime les vies. J'ai compris, c'est le monde à l'envers. La loi porte des revolvers. Bang, bang, bang. Les criminels vont en enfer, mais voyons donc. Je dis de certains stéréotypes, l'habit fait pas le moine. Slogan typique, mais la couleur du type, oui. 1896, rien changer, dépression chronique, tout est maquillé, réalité est restée, gab psychologique, contrôlée par une gimmick de raciste, F.U. c'est quoi au flic? Word up. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre, one, one, DJ. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre, one, one, DJ. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre, one, one, DJ. Personne ne peut prendre le micro de la façon que je vais le prendre, one, one, DJ. Oui, et puis Caméléon en direct de Paname avec le faux urbain Kessy et la Manop.